femme de chanson française de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Xavier à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter la cerise sur le canto numéro 42, un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, et même les tubes de demain. Et puis un jury neutre, impitoyable et surtout incorruptible qui classe les titres de l'émission et sans plus tarder, les résultats de la diffusion précédente de la cerise sur le canto, c'était le numéro 41, c'était il y a 15 jours. Médaille de bronze pour Alain Souchon, presque. À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levée, je l'ai perdu. J'aurais dû. Presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, on a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains, te dire qu'à Lille, sur la Grand Place, j'avais ton profil de face. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Avec son voile ou sans son voile, c'est comme elle veut. Elle monte, elle se bisse sur la deuxième marche du podium pour y recueillir la médaille d'argent. Sœur sourire, Dominique. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit. Dominique et Dominique s'en allaient tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique et Dominique s'en allaient tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et Dominique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et Dominique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique et Dominique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, garde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique et Dominique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Il gagne la cerise sur le canto numéro 41, ils parce qu'ils sont deux, Noël Cordier, Alain Barrière, tu t'en vas. Comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide, de l'absence. Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus. Le monde n'est qu'indifférence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que vienne le silence. Mais tu t'en vas. l'espace ne sent rien si tu me gardes ta confiance. Tu t'en vas. Chaque matin qui vient, tu sais pourtant d'amant, tout recommence. Tu t'en vas. Je reste là, seul et perdu, comme aux pires heures de l'enfance. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide de l'absence. Tu t'en vas. Soudain pour moi tout s'assombrit. Le monde n'est qu'incohérence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Place à la sélection du jour. Tout d'abord, une chanson signée Jean-Jacques Goldman. Alors, on sait que Jean-Jacques Goldman a des origines juives polonaises et puis une mère allemande. Et dans cette chanson, les trois interprètes, Goldman, Frédéric et Jones, se demandent s'ils auraient agi différemment s'ils avaient été à la place des Allemands après la défaite de la Première Guerre mondiale et pendant la montée du nazisme. Leidenstadt, c'est le nom d'une ville imaginaire. Le nom est formé par les mots allemands Leiden, souffrance, et Stadt, ville, la ville des souffrances, né en 17 à Leidenstadt, Frédéric Goldman Jones. Soudain j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps. Le chanteur suivant se nomme Voyou, de son vrai nom Thibaut Voyov. Il est originaire de Lille, et c'est qu'il y a du Jacques Tati dans cette douce folie et dans ce corps un peu trop grand, pas toujours adapté au monde, mais qui s'en imprègne pour prendre son envol et virevolter avec aisance sur scène, portant un regard malicieux sur les vicissitudes de son époque. Voyou met la compassion et l'amitié au cœur de sa musique, avec des mots simples et poétiques et une complète absence de cynisme. Il nous raconte des histoires d'aujourd'hui, des histoires d'amour, des histoires d'ennui, d'ailleurs et d'ici, les humains, voyous. T'as fait le tour de la ville et tout le tour de la planète. T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète. T'en as vu passer des styles de filles et de garçons. Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon. Mais un beau voyage, c'est la prison. Quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y'a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits. Jour et nuit, et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé de et de leur vie, c'est elle que t'as choisi. Tu zig, tu zag au milieu des vagues d'humains de maison. Tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons. Après quatre vols, c'est pas de bol. Chez elle, c'est la nuit, c'est d'un ennui. T'es seul au bout du planisphère et seul au bout du filet de ta vie. Tous ces beaux voyages, c'est la prison. Quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y'a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits. Des foules de visages et de vie qui s'activent jour et nuit. Et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé de et de leur vie, c'est elle que t'as choisie. Dangereuse. Ah oui, dangereuse. Le chant d'un gardien de Camargue qui s'attarde prend les cœurs et les garde pour lui. Oh, vous qui entendez cette chanson, gardez vos belles fermement. Le chant d'un gardien de Camargue, c'est l'adieu pour un amant. C'est une chanson qui est interprétée par Tino Rossi. Tu connais Xavier Tino Rossi? Ça te dit quelque chose? Vaguement, oui. Bon, c'est une chanson des années 40, 40, 50. Et à l'époque, Tino Rossi, allez, on va dire une chose, c'était le chéri de ces dames. toutes les femmes étaient amoureuses de lui, en tout cas de sa voix, et rajoute le fait qu'il était corse, alors avec le fanatisme corse en plus, je te dis pas. Le chant d'un gardien de Camargue, Tino Rossi. Arnulf. Il était né en 1932 et il nous a quittés en 2007. C'était un Lyonnais, comédien, compositeur et chanteur français actif dans les années 60. Il avait notamment acquis un répertoire de chansons engagées et son premier disque chez Philips fut récompensé, couronné par l'Académie Charles Cros en 1964, jour après jour, Jean Arnulf. Ma vie s'effeuille page à page. Où est le temps que j'ai perdu? Il ne reste que des images, photos fanées, rires déchus, noyé au fond des marécages, et nul ne les a retenus. Les regrets un par un s'entassent, l'ancien délire est effacé. Je regarde au fond de ma glace les rides du dernier été. les saisons après l'autre passent. Tous mes espoirs se sont usés. Jour après jour, les jours reviennent. J'ai été, je serai, je suis. Endormi au creux des semaines, j'ai perdu le goût de la pluie et la saveur des chrysanthèmes me réveille parfois la nuit. Une à une, les portes claquent. Fermé sur 1004 amours, 1964, je tiens le compte au jour le jour, des jours où je devrais me battre pour garder mon dernier toujours. Les marches une à une qui conduisent à l'éternité. En chemin j'ai laissé des plumes, qui pourra me les recoller? Je voudrais des ailes et la lune pour parcourir l'autre moitié. Ah, évidemment, c'est un disque, c'est un 45 tours qui gratte un peu, mais c'est un disque qui est très rare, c'est un collector. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'on le passe malgré le fait qu'il gratte, ou on ne le passe pas? Ça serait dommage, il est beau. Alors on l'a passé. Allez, disque suivant. En 1967, la finale du concours de l'Eurovision de la chanson se déroulait à Vienne, en Autriche, et regrouper 17 pays. Noël Cordier représentait la France avec une chanson écrite par Pierre Delanoë, Il doit faire beau là-bas. Il s'agit d'une ballade qui s'adresse à un amant absent, et elle lui explique qu'il pleut là où elle est, mais qu'il doit faire beau là-bas où il se trouve. Alors le concours de l'Eurovision fut remporté par le Royaume-Uni, avec la chanson « Puppet on a String » interprétée par Sandy Shaw. Et la chanson représentant la France se classa 3e. Bravo, Noël Cordier. Il doit faire beau là-bas, Noël Cordier. C'était pour être heureux. Si tu as réussi, tant mieux. C'est l'hiver et le vent que je vais traverser. C'est pour toi maintenant l'été. Tous ces gens avec lesquels si tu dois revenir, n'attends pas trop longtemps, je ne peux retenir le temps. Il doit faire beau là-bas, dans ce joli Après avoir obtenu en 2018 le César du meilleur espoir féminin, dans son rôle Le Brio aux côtés de Daniel Auteuil, après 2 années essentiellement consacrées au cinéma, Camélia Jordana revient à la musique. Un nouveau single intitulé Facile se caractérise par une chanson pop et dansante. Facile. Camélia Jordana. Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante, quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte, mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Comme de bien entendu. Oh, comme de bien entendu, c'est le titre d'une chanson populaire interprété initialement par Arletty et Michel Simon dans un film de 1939, Circonstances atténuantes. Les paroles sont de Jean Boyer et la musique de Georges Van Paris. C'est l'histoire en quelques mots d'un beau roman entre une jeune midinette et un petit parigot, et tous les refrains d'amour sont un peu bêtes. Celui-là l'est aussi, mais si vous reprenez en cœur ma chansonnette, je vous dirai merci, comme de bien entendu Bruel et Renaud. Voici conté sur une valse musette, l'histoire en quelques mots du beau roman d'une jeune midinette et d'un petit parigot. Tous les refrains d'amour sont un peu bêtes, celui-là l'est aussi. Mais si vous reprenez en cœur ma chansonnette, je vous dirai merci. Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut le béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus, comme de bien entendu. Ils se mirent en ménage, comme de bien entendu. Elle avait du courage, comme de bien entendu. Il était au chômage, comme de bien entendu. Ça lui faisait déjà un gentil petit revenu, comme de bien entendu. Pour en faire une folie, comme de bien entendu. Il offrit à sa mie, comme de bien entendu. Un billet de la loterie, comme de bien entendu. Ça lui fit jamais que 100 balles de perdu, comme de bien entendu. Mais il se mit à boire, comme de bien entendu. Elle ne fit pas d'histoire, comme de bien entendu. Mais pour ne pas être une poire, comme de bien entendu, elle se consola en le faisant cocu, comme de bien entendu. Il la trouva mauvaise, comme de bien entendu. Mais elle ramenait du pèse, comme de bien entendu. Au lieu de ramener sa fraise, comme de bien entendu. Il se contenta de lui foutre le pied au cul, comme de bien entendu. Et depuis l'on raconte, comme de bien entendu, qu'il y trouve son compte, comme de bien entendu. Et quand chez lui on monte, comme de bien entendu, il s'en va faire un petit tour au PMU, comme de bien entendu. Et la leçon fut bonne, hey, comme de bien entendu. Maintenant tous ils boulonnent, comme de bien entendu. Ils paient de leur personne, comme de bien entendu. Chacun dans la norme est enfin revenu, comme de bien entendu. Et c'est moi le plus pépère, comme de bien entendu. Avec ma régulière, comme de bien entendu. Je suis le plus heureux de la terre, comme de bien entendu. J'arrose mes salades et je ne m'en sers plus, comme de bien entendu. Allez Florine, joue. J'arrose mes salades et je ne m'en sers plus, comme de bien entendu. J'arrose mes salades et je ne m'en sers plus, comme de bien entendu. Merci Renaud. Le prochain titre est une chanson de Zazie, composée par son frère Phil Baron, sortie en 1995. La chanson, hein, par le frère. Mais J'envoie valser a été repris par Olivier Ruiz en l'an 2000 sur l'album de la tournée de la première édition de la Star Academy et en a fait un vieux tube de Zazie alors que la chanson n'avait jamais été promue en single. Comme quoi, ne jamais remettre à demain. J'envoie valser, Olivia Ruiz. Titre pop issu de l'album Brawl publié récemment dans lequel la jeune chanteuse belge Angèle raconte un premier amour lesbien. Une relation homosexuelle naissante d'une femme qui préfère les rois aux reines et de son attirance pour une autre qui n'a pour l'instant connu que des hommes. Une chanson sensible pour un sujet encore peu abordé, ta reine Angèle. Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. De reine, c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine, c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Acceptera qu'elle aussi elle t'aime un peu plus fort. Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Un Algérien, c'est Soul King. Et un chanteur d'origine congolaise, le frère de Maître James, c'est Dadju. Ils s'unissent pour interpréter en français une chanson d'amour pour une Turque. Allez voir sur YouTube le nombre de vues concernant leur clip. C'est impressionnant. Mêlé Jim, Soul King et Dadju. J'ai les deux mains sur tes épaules, histoire que le monde te laisse tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux, je vais leur donner. Ce soir on sort mon bébé, j'ai la robe qu'il te faut. Y a plein de couples autour mais je crois qu'on sert, c'est nous deux. Pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau. Y a plein de couples autour mais je crois qu'on sert, c'est nous deux. Yeah. Mané, yeah. Quand tu marches à mes côtés je brille. Yeah. Mané, yeah. Quand tu marches à mes côtés. Que le monde te laisse tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner. Ce soir on sort mon bébé, j'ai la robe qu'il te faut. Y a plein de couples autour mais je crois qu'on sert, c'est nous deux. Pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau. Y a plein de couples autour mais je crois qu'on sert, c'est nous deux. Yeah. Mané, yeah. Quand tu marches à mes côtés je brille. Yeah. Mané, yeah. Quand tu marches à mes côtés je frise. Ma bien remplie de sable. Stylé. Juste histoire de bien me rappeler pourquoi je l'ai marié. Quand t'es accroché à moi, on ne joue plus dans la même catégorie. Tu voulais nous voir, tu nous as vus. T'as jeté tes yeux sur nos vies. Oh, je peux les entendre d'ici. tes épaules, histoire que le monde te laisse tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux, je vais leur donner. Ce soir on sort mon bébé, j'ai la robe qu'il te faut. Y'a plein de couples autour, mais je crois qu'en sert c'est nous deux. Pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau. Y'a plein de couples autour, mais je crois qu'en sert c'est nous deux. Yeah. Manayi, quand tu marches à mes côtés, je brille. Yeah. Manayi, quand tu marches à mes côtés, je frime. Manayi, marche à mes côtés, je brille. Manayi, quand tu marches à mes côtés, je frime. Manayi, Manayi, Manayi. Meleib, Meleib, Meleib. Hassan est dans mon dos, mon dos. Continue, tu as raison, raison. Tu vomis sur mes réseaux, réseaux. Continue, tu as raison, raison. Ambalaba, c'est une chanson du mauricien Claudio Veraragu qui évoque la vie d'un pêcheur. La naissance de cette chanson, oh, c'est 1968. Alors, c'est un pêcheur qui va pêcher des petits poissons à bord de la Marie-Thérèse, sa pirogue. La vie de famille de ce pêcheur, ses relations avec son épouse, de belles histoires de l'île Maurice, puis le lagon translucide et la pirogue. Solitaire au beau milieu de la mer, le pêcheur ramène sa prise, le sable, les cocotiers et la belle dame créole avec son chapeau de paille et sa robe à fleurs. Le titre entraînant eut un grand succès à Maurice, mais bon, sans plus. Il fallut attendre 20 ans pour que la chanson renaisse grâce à une rencontre inopinée, celle du chanteur français Maxime Le Forestier, avec un vieux marin grattant une guitare. La version de Maxime Le Forestier, en créole légèrement francisée, plus lancinante et plus langoureuse, devint rapidement un tube international. Ambalaba, Maxime Le Forestier. Tina monti femme dans mon lacasse, Tina princesse tu vas guetter. Dans ma tête j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu veux en moi donne-toi, tes robes à fleurs moi donne-toi. Ça pour la paille tu peux gagner, tu fais du kata kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas. En bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas. En bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. Moi, Tina, mon bateau, l'âme son numéro un, Tina mon la ligne à pendant, qui pêche poisson dans l'eau brisant. Tout ce que tu besoin, me donne-toi, tu robes à plat, moi donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner, tu fais tout kata kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. Ah. Moi, Tina, mon petit femme dans mon lacasse, Tina, princesse, tu vas guetter. Dans ma tête, j'entends grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu besoin, moi donne-toi. Tes robes à fleurs, moi donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner. Tu fais tout kata kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas. balaba, tout mousse, mon salade en balaba. En balaba, en balaba. En balaba, tout mousse, mon salade en balaba. En balaba, en balaba. En balaba, tout mousse, mon salade en balaba. En balaba. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 42, consacré à la chanson française de tous les temps. Merci à Xavier pour la réalisation technique, et à vous, les auditeurs, et merci aussi de nous avoir accompagnés. Vous savez que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Fagette, hein, quelquefois on me dit, mais comment ça s'écrit? Ben, je vais vous l'appeler. F comme Fernand, A comme Antoine, J comme Jean, E comme Égypte, T comme Thérèse. À part ça, ben, la prochaine cerise sur le canto, ça sera dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous vous espérons fidèles et branchés à Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux sur Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et sur le net Radio Fagette Nancy en ligne pour les autres Européens. Nous vous laissons en aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.